Audible, raconte-moi une histoire. Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande pour partie grandir, de l'ouest. Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière il de marcha voir dans choses, la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers. Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle. Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour de quatre malentendus nietzschéens. Aujourd'hui, épisode 3, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Vivre, cela signifie pour nous changer constamment en lumière et en flamme ce que nous sommes. De même aussi transformer tout ce qui nous frappe. Nous ne saurions absolument pas faire autrement. Et pour ce qui est de la maladie, est-il seulement possible, serions-nous tentés de demander, est-il seulement possible de nous en dispenser? Seule la grande douleur est l'ultime libératrice de l'esprit. Seule la grande douleur, cette longue et lente douleur qui prend son temps, et dans laquelle, pour ainsi dire, nous sommes consumés comme du bois, et contraints, nous autres philosophes, à descendre dans notre dernier abîme, à nous dépouiller de toute confiance, de toute bienveillance, de toute occultation, de tout adoucissement, de toute solution moyenne où nous avions peut-être placé auparavant notre humanité. Je doute que pareille douleur améliore, mais je sais qu'elle approfondit. Bonjour Emmanuel Salansky. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Mais bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg, chercheur au Centre Prospero de l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Vous êtes actuellement bénéficiaire d'une bourse Marie Curie. Et j'imagine que c'est la première fois que vous allez parler de Nietzsche après avoir entendu Beyoncé, Destiny's Child. C'est la première fois, je vous le confirme. Eh bien, bon baptême. Survivor, c'est le nom de cette chanson. La phrase de Nietzsche que nous allons commenter aujourd'hui, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », peut laisser penser qu'au fond, c'est justement une sorte d'éloge des survivants, de ceux qui s'en sortent malgré tout. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'entendre ? Je ne suis pas sûr que la survie soit nécessairement la notion la plus importante là-dedans, parce que Nietzsche est un penseur de la volonté de puissance. C'est une hypothèse qu'il introduit dans Ainsi parlait Zarathoustra et qu'il généralise ensuite dans Par-delà bien et mal. Et une des implications de cette hypothèse, sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure, c'est que les forces tendent toujours à s'intensifier et pas simplement à se conserver. Autrement dit, la logique de conservation de soi, c'est toujours une exception provisoire à celle de l'intensification. Cette exception, elle existe, c'est-à-dire que certains organismes se retrouvent effectivement à devoir lutter pour leur survie, mais aux yeux de Nietzsche, cet exceptionnel, ça n'est pas la situation générale, et c'est une des critiques qu'il adresse à Darwin, justement aussi dans Le Crépuscule des Idoles, dans le chapitre qui s'intitule « Incursion d'un inactuel », paragraphe 14. C'est pas la lutte pour la vie, c'est pas la lutte pour l'existence, c'est la lutte pour la puissance, selon Nietzsche. Mais la phrase « ce qui ne me tue pas me rend plus fort », lors d'une première lecture, ou si on l'entend pour la première fois, on se dit, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui n'a pas raison de moi, donc une maladie dont je vais me remettre, ou même un handicap qui ne me tue pas, va me rendre plus fort. C'est contre-intuitif. Il y a beaucoup de choses que je vis qui ne me tuent pas, mais qui m'affaiblissent considérablement, qui ne me rendent pas du tout plus fort. Oui. Alors, ce qu'il faut ajouter certainement au sujet de cette hypothèse de la volonté de puissance, qui est donc sous-jacente, c'est que cette hypothèse n'est pas simplement organique ou physique. La volonté de puissance, elle est aussi spirituelle. Nietzsche n'est pas un penseur matérialiste ou un penseur physicaliste. Il ne réduit pas l'ensemble de la réalité à la matière ou au corps, mais ce qu'il fait, c'est qu'il cherche à penser le corps-esprit. de manière moniste, donc sans aucun dualisme qui séparerait l'un et l'autre. Et dans ce cadre-là, la volonté de puissance spirituelle va se renforcer quand elle réussit à interpréter les résistances qu'elle rencontre. Donc il faut un travail intellectuel pour arriver à être plus fort suite à une épreuve physique. On peut dire geistig en allemand, donc un travail spirituel ou intellectuel, on pourrait dire les deux. C'est deux traductions possibles. Mais donc ce qui ne me tue pas me rend plus fort à condition de réfléchir beaucoup. À condition, alors c'est pas simplement la réflexion intellectuelle, c'est pas simplement la spéculation métaphysique si vous voulez. Non, ce serait plutôt les ressources de votre corps-esprit. Donc votre capacité de surmonter la souffrance en l'interprétant, par exemple en lui donnant un sens. Nietzsche considère aussi que donner un sens à la souffrance est un moyen de l'interpréter et donc de la rendre supportable. C'est quelque chose qui souligne à la fin de la généalogie de la morale, le tout dernier paragraphe, celui qui conclut le troisième traité. C'est un paragraphe qui explique que jusqu'à présent, l'idéal ascétique judéo-chrétien était la seule interprétation globale de la souffrance humaine, et c'est pour ça qu'il a si bien réussi culturellement, alors qu'il était morbide selon Nietzsche. Mais Nietzsche voudrait lui aussi réussir à interpréter la souffrance humaine de manière globale, à lui donner un sens, dans le cadre de sa philosophie de la culture. Et ça, pense-t-il, c'est un moyen de supporter cette souffrance. Il faut préciser dès à présent, Emmanuel Salansky, que Nietzsche lui-même a beaucoup souffert, il a beaucoup été malade. C'était un homme malade, bien entendu. Il l'a été toute sa vie, en gros, on peut le dire. En tout cas, à partir de l'adolescence. Et de quoi souffrait-il ? On ne saura jamais exactement de quoi il souffrait. Il y a beaucoup d'hypothèses concurrentes. Il y a des hypothèses organiques. Alors, il y a cette hérédité paternelle, par exemple. Son père est mort de manière précoce, quand il était encore tout jeune. Il avait 4 ou 5 ans, je pense. Et le diagnostic médical, très ambigu, hein, c'est la médecine du 19e siècle, ramollissement cérébral. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien signifier ? Peut-être une tumeur du cerveau, ou peut-être autre chose. Mais en tout cas, il y aurait la possibilité, peut-être, que Nietzsche ait été atteint par une hérédité pathologique du côté de son père. Mais il y a aussi des hypothèses psychosomatiques. Est-ce que c'est sa philosophie qui l'a, en quelque manière, rendu malade ? Alors souvent, c'est des interprétations plus romantiques. Hein, la philosophie l'aurait rendu malade. Affronter les démons de la culture judéo-chrétienne, est-ce qu'il a réussi jusqu'au bout à le faire, etc. Moi, je ne crois pas du tout à cette interprétation-là. Et sinon, il y a d'autres hypothèses organiques encore. Par exemple, il y a la légende de la syphilis de Nietzsche, vous savez. Ah, c'est une légende. Qui l'aurait contracté. Alors, il y a un psychiatre américain qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle The Legend of Nietzsche's Syphilis pour démontrer que c'est pas plausible comme interprétation de ses symptômes, notamment parce que entre le moment où son effondrement mental a lieu, en janvier 1889, et le moment où il décède, c'est-à-dire en 1900, il y a une trop longue durée pour que ça puisse être ce qu'on appelle la parésie générale, c'est-à-dire la dernière étape de la syphilis. Vous savez, c'est une maladie dégénérative progressive, et donc il y a des psychiatres qui considèrent que c'est pas plausible comme diagnostic. De toute façon, à l'époque, on n'avait pas de tests sanguins pour établir qu'il y avait ou non syphilis. C'était simplement un diagnostic clinique. Et quand on a disposé du test sanguin au XXe siècle, on s'est aperçu qu'il y avait un surdiagnostic considérable des syphilis tertiaires. Donc, pour résumer, on ne saura pas. On ne sait pas. On ne saura pas. Pourtant, dans Ecce Homo, son dernier livre, il écrit dans un passage intitulé « Pourquoi j'écris de si bons livres ?» avec l'humour et l'humilité qu'il caractérise. Mmh. Il écrit ceci, il écrit « La maladie me détacha lentement de tout. Elle m'épargna toute rupture, toute démarche brutale et choquante. À cette occasion, je n'ai perdu la bienveillance de personne. Au contraire, j'en ai attiré davantage encore. La maladie me donnait, pour ainsi dire, droit à une inversion complète de toutes mes habitudes. » Elle me permettait, elle m'ordonnait d'oublier. Elle m'offrait l'obligation absolue du repos, du désœuvrement, de l'attente et de la patience. Mais qu'est-ce que tout cela sinon penser ? Jamais je ne fus plus heureux d'être moi-même qu'aux pires périodes de maladie et de souffrance de ma vie. Il suffit de jeter un coup d'œil sur Aurore ou Le Voyageur et son ombre pour comprendre ce que ce fut ce retour à moi-même, une forme supérieure de guérison. J'ai fait 3 longueurs ! 3 ! À la deuxième, j'avais plus rien. Je commençais à remonter. Mais en même temps, je voulais continuer. Alors, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai pensé à mon beau-père. Il était bizarre, mon beau-père. Il y a des nuits, il rentrait dans ma chambre. Et il me coinçait avec son bras autour de mon cou, comme ça. Et il me brûlait les cils. Avec ses cigarios. Il faisait ça quand ma mère travaillait de nuit. Alors après, quand je l'entendais monter dans les escaliers, j'allais me cacher dans le panier à la salle. Et je retenais mon souffle pour faire aucun bruit. Alors, à la troisième longueur, là, je me suis rappelé du panier. Et je l'ai faite. Oui, je l'ai faite. Comme quoi, tout est dans la tête, hein. Oh. Oh, je crois que j'ai une oreille bouchée. Sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Dece Homo ou Grand Bain, le film de Gilles Lelouch, avec ici Philippe Catherine, qui explique que s'il est si fort en apnée, c'est parce que il a dû s'entraîner lorsqu'il était jeune à se protéger contre son beau-père qui lui brûlait les cils, et donc il se cachait en retenant son souffle dans le panier de linge sale, dit-il, comme la preuve d'un bienfait, peut-être d'une conséquence tirée de quelque chose de terrible qui lui arrivait. Quand on entend cet extrait juste après l'extrait de Nietzsche, Emmanuel Salansky, c'est assez intéressant de voir comment la maladie peut changer, la maladie ou la souffrance, ici on peut la mettre sur le même plan, et parfois, et c'est ça qui est difficile à entendre quand même, pour le meilleur. Oui, mais alors justement, c'est intéressant que vous ayez cité un passage d'Ecce Homo, parce que dans Ecce Homo, Nietzsche a toute une stratégie d'auto-présentation. Donc c'est pas exactement une autobiographie intellectuelle, même si pour aller vite, on l'appelle souvent comme ça. En réalité, c'est un discours philosophique tout à fait calculé, qui a aussi des visées culturelles, donc rentrant dans l'agenda de philosophie culturelle de Nietzsche. Et cette stratégie d'auto-présentation, elle vise à se montrer lui-même comme ayant conservé sa sûreté d'instinct. Mais ça, c'est quelque chose qui distingue Nietzsche. Tous les malades ne sont pas équivalents, selon lui. Il y a les malades qui ont gardé une sûreté d'instinct et qui donc, instinctivement, vont chercher ce qui va leur profiter, ce qui va leur être bénéfique, ce qui va leur permettre d'échapper à la maladie, de recouvrer la santé. Et Nietzsche prétend s'être soigné lui-même, hein, dans Ecce Homo. Oui, c'est ça. En cessant de se faire bichonner par les médecins. Voilà. Le médecin de lui-même, ça, c'est une thématique très importante d'Ecce Homo. Et puis, d'un autre côté, il y a le malade qui est un décadent. Et ça, c'est aussi un aspect très important du discours de Nietzsche. Le décadent, à l'inverse, c'est celui qui instinctivement va chercher les remèdes qui aggravent le mal. Donc il se complaît dans la maladie ? Il se complaît dans la maladie, il cherche au lieu de sortir de la maladie à trouver des narcotiques qui vont simplement engourdir la souffrance. Et alors bien entendu, ça, aux yeux de Nietzsche, ça s'inscrit dans un contexte culturel plus global où les valeurs dominantes sont morbides et où par conséquent la majorité des individus sont souffrants mais sont incités à chercher de simples narcotiques du type la musique de Wagner, ou alors la littérature romantique, etc. Donc, vous voyez, je pense qu'il ne faut pas oublier ça. C'est le pire des narcotiques utilisés en cas de maladie, ça va encore, non? Wagner et la littérature romantique. Ben, Nietzsche écrit le cas Wagner pour soutenir que non. Ouais. Pour soutenir que non. Mais je pense qu'il faut garder ça à l'esprit quand on lit la formule du Crépuscule des idoles, donc tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, comme si il s'agissait de tout un chacun. C'est-à-dire comme si cette formule était adressée à tout un chacun. Il ne faut jamais oublier qu'il y a l'aristocratisme de Nietzsche qui est sous-jacent et qui implique que, en fait, tous les individus ne vont pas sortir renforcés des épreuves qu'ils vont rencontrer. Toutes les adversités ne vont pas être profitables en réalité. Chez Nietzsche, l'adversité, ça peut aussi affaiblir, ça peut aussi écraser. Alors ça, c'est passionnant. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous égaux face à la douleur. Absolument. Vous parlez d'aristocratie et juste avant, vous parliez de l'instinct nietzschéen. Alors de deux choses l'une, soit c'est une aristocratie qui fait que nous ne sommes pas tous égaux, mais pas de nature. C'est qu'en fait, peut-être l'expérience elle-même fait que certains sont plus forts que d'autres. Ou alors c'est l'instinct, auquel cas nous sommes absolument pas responsables de l'inégalité. Nous naissons avec un instinct qui nous permet de se vivre ou pas. Alors de toute façon, vous avez raison de suggérer que chez Nietzsche, il n'y a pas de responsabilité individuelle vis-à-vis de ses instincts, de son destin, etc. Nietzsche est un penseur de l'innocence du devenir. Il cherche à récuser la doctrine du libre-arbitre. Donc il n'y a pas de liberté humaine, de liberté personnelle qui s'exercerait là-dedans et qui ferait que les uns réussiraient à surmonter et les autres non. Ça, il faut. C'est pas une question de volonté, paradoxalement. Non, c'est pas une question de volonté, parce que la volonté de puissance, ça n'est pas une volonté, paradoxalement. Mmh, c'est ça. Ça n'est pas une volonté conçue comme une faculté indépendante des actes auxquels elle donnerait lieu. Ça, cette volonté, c'est une pure fiction selon Nietzsche, une fiction grammaticale d'ailleurs. Ça vient de notre propension à distinguer le sujet et le verbe dans le cadre de nos grammaires indo-européennes. Donc cette volonté-là n'existe pas. Volonté de puissance, ça veut dire qu'il n'y a que des forces, et ces forces tendent toujours à s'intensifier, mais elles ne peuvent pas faire autrement. De toute façon, elles vont toujours jusqu'au bout de leurs conséquences, et elles peuvent réussir à s'intensifier ou échouer. Tout dépend des résistances auxquelles elles se heurtent. Donc c'est l'instinct, alors ce que vous appeliez l'instinct, qui va, à la suite de Nietzsche, qui décide. Mais alors ce qu'il faut ajouter, c'est que Nietzsche n'oppose pas de manière dualiste la nature et l'histoire. La nature humaine, c'est... Donc Nietzsche est aussi un penseur évolutionniste, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas lu directement Darwin, mais a lu beaucoup de textes darwinistes et évolutionnistes de son temps, et par conséquent, il se représente la nature humaine, ou plus généralement la nature individuelle, comme quelque chose qui s'est stabilisé pour le moment. Mmh. Donc les instincts sont eux aussi devenus, même les instincts sont devenus, dit Nietzsche, mais simplement, c'est pas à la même échelle de temps. C'est-à-dire que dans le contexte d'une existence individuelle, on peut bien sûr essayer de contracter de nouvelles habitudes, essayer de s'incorporer ces habitudes, mais on n'arrivera pas pour autant à remettre en question des instincts qui sont le produit d'une histoire beaucoup plus longue. Alors, la raison pour laquelle nature et histoire, c'est si poreux chez Nietzsche, c'est aussi qu'il admet le principe de l'hérédité lamarckienne, donc de l'hérédité des caractères acquis, comme la majorité des gens à l'époque, c'était l'hypothèse dominante en fait. Il y avait finalement peu de spécialistes des sciences du vivant qui la remettaient en question, même si ça commençait tout juste avec Galton et Weismann. Avant d'aller plus loin, encore un point sur le texte dont j'ai lu un extrait, Ecce Homo, sur la maladie qui, dit Nietzsche, me détacha lentement de tout. C'est un texte vraiment magnifique qui témoigne d'une forme de paix trouvée dans sa cohabitation avec la maladie. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples, mais... Alors, je ne dirais pas paix, parce que précisément dans les textes de 88, Nietzsche se met à tenir un discours beaucoup plus guerrier et beaucoup plus belliqueux. Dans les quelques lignes que j'ai lues, en tout cas, ça semble être une espèce de bénédiction. L'obligation du repos, l'oubli qui est si important pour Nietzsche. Enfin, il peut oublier grâce à la maladie, tout le monde est bienveillant envers lui. Oui, tout à fait. Alors, la maladie a une vertu. Ça, on peut le dire tout à fait. Et c'est bien ce que Nietzsche cherche à soutenir dans Ecce Homo. Plus généralement, il considère que quand on est à l'écoute de son corps, on a déjà les moyens de s'orienter dans l'existence plus efficacement. Mais d'un autre côté, la raison pour laquelle je tique un peu sur le mot paix, c'est que Nietzsche prétend bien, en 1888, apporter la guerre, mais la guerre en un sens spirituel, en un sens axiologique. Il dit dans un fragment posthume de 88, « J'apporte la guerre, mais pas entre les peuples, pas entre les races, pas entre les classes. » Une guerre entre vie ascendante et vie déclinante, donc une guerre axiologique finalement, entre des valeurs qui sont morbides et des valeurs qui seraient plus nietzschéennes et plus propices à l'avenir. Oui, mais alors c'est pas envers la maladie que la guerre se déclare. Alors, c'est quand même envers une certaine maladie culturelle, si vous voulez. Celle qui est à la fois la cause et la conséquence des valeurs judéo-chrétiennes. Ces valeurs, selon Nietzsche, ça c'est ce qu'il soutient dans la généalogie de la morale, ces valeurs ont été élaborée par une vie souffrante, et en même temps, elles aggravent le mal, et c'est la raison pour laquelle il faudrait transvaluer ces valeurs. Donc c'est l'Umwertung, c'est tout le projet axiologique nietzschéen. D'ailleurs, la citation exacte que nous commentons aujourd'hui se formule ainsi, « Appris à l'école de guerre de la vie, exactement. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Vous voyez, donc c'est pas un hasard s'il parle d'école de guerre. Oui, mais c'est pas contradictoire avec un rapport pacifié à soi et à la maladie. On peut très bien être en guerre contre quelque chose tout en accueillant, c'est ce que vous dites finalement, la maladie. Et les textes que l'on trouve de Nietzsche à ce sujet sont assez troublants. Cette volonté d'insister sur le fait qu'il écrit aussi avec le corps, par exemple. C'est vraiment, il y a une unité du corps, souffrant ou pas d'ailleurs, qui est là et qui semble pour le coup le rendre plus fort. Il y a une unité du corps, vous avez parfaitement raison de le souligner, mais quand ce corps est lui-même suffisamment sain pour retrouver une forme d'organisation pulsionnelle. Alors qu'à l'inverse, ça fait partie de la théorie de la décadence de Nietzsche, le décadent, c'est quelqu'un qui est en proie à une désagrégation pulsionnelle et qui donc n'a pas d'instinct dominant et se retrouve ballotté entre des pulsions sans cesse en conflit. Mais effectivement, quand on retrouve une forme d'organisation, alors là, on peut être à l'écoute de son corps et en tirer profit. J'ai toujours écrit mes œuvres avec tout mon corps et ma vie. J'ignore ce que sont des problèmes purement spirituels, écrit-il. Alors, on va écouter un texte maintenant, Emmanuel Salansky, un texte d'un autre philosophe qui s'appelle Ralph Waldo Emerson, que Nietzsche a lu, à qui il dédie le Gai Savoir, d'ailleurs. C'est ce qui n'est pas un fait que beaucoup de gens connaissent. Et il se corrige en 1887 en modifiant l'épigraphe. Mais effectivement, il y a cette première dédicace. Oui. Voilà, oui. Qui est donc un philosophe américain du milieu, la première moitié du 19e siècle, qui est celui qui aurait lancé un appel à l'indépendance intellectuelle des Américains. 1837, et qui, dans le texte que vous allez entendre, décrit un certain rapport à la douleur. On va l'écouter, vous nous direz ensuite en quel sens le rapport que Emerson entretient à la douleur dans ce texte est similaire à celui de Nietzsche. Jusqu'à ce que nous soyons égratignés et piqués, jusqu'à ce que les puissants ennemis aient fait feu sur nous, l'indignation qui s'arme de forces secrètes ne s'éveille pas. Un grand homme veut toujours être petit. Tant qu'il reste couché sur les coussins d'une avantageuse commodité, il s'assoupit et se laisse entraîner vers le sommeil. Mais lorsqu'il a été harcelé, tourmenté, battu, ses misères l'ont instruit. Il a été replacé par elle dans son assiette, dans sa virilité. Il a acquis la connaissance des faits et la connaissance de sa propre ignorance. Il est guéri des folies de l'illusion. Il a acquis la modération et une réelle habileté. L'homme sage s'élance toujours du côté de ses assaillants. Trouver son point faible est encore plus son intérêt que celui de ses ennemis. Ses blessures se cicatrisent et tombent, pour ainsi dire, comme une peau desséchée. Et lorsque ses ennemis s'apprêtent à triompher, ils s'aperçoivent qu'il est devenu invulnérable. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et donc un extrait des essais de philosophie américaine, Ralph Waldo Emerson, ici lu par le comédien Vincent Schmitt. Alors, qu'est-ce que Nietzsche a trouvé chez Emerson de si important ? Peut-être commençons par là. Alors, c'est une relation qui est très très riche, très complexe. Je pense qu'on ne peut pas avoir la prétention ici de tout dire sur cette relation. Mais ce qui est intéressant, dans cet essai-là, donc je rappelle simplement qu'Emerson, c'est donc l'auteur de deux séries d'essais. Et là, on parle d'un essai qui s'intitule « Compensation », en anglais, « La compensation ». Dans cet essai-là, Emerson écrit une phrase qui est très proche de celle que Nietzsche va ensuite formuler dans « Le crépuscule des idoles ». Et cette phrase, c'est « En général, tout mal auquel nous ne succombons pas est pour nous un bienfaiteur ». Alors, il y a bien entendu une relation entre cette phrase-là et celle que Nietzsche va écrire. On peut le démontrer d'ailleurs par la critique des sources. Nietzsche avait un exemplaire personnel des Versuche, donc la traduction allemande des essais d'Emerson, dans lequel il a souligné cette phrase. Et en même temps, Nietzsche apporte des inflexions par rapport à la perspective d'Emerson qui sont très intéressantes. Emerson, c'est un philosophe qui a commencé par être pasteur unitarien. Donc l'unitarisme, c'est une version du christianisme dans laquelle on conteste la Trinité. On revient à un Dieu unique, on se méfie des tendances polythéistes d'un certain christianisme. Et par conséquent, Jésus n'est qu'un homme exemplaire, etc. Bon, finalement, Emerson a quitté ses fonctions de pasteur unitarien, mais il a quand même reçu cette formation intellectuelle. Et ça se ressent quand même un petit peu dans sa posture de discours. Parce qu'il y a quelque chose du prédicateur qui apporte une inspiration, une consolation aussi aux individus souffrants, et qui, dans le contexte de cet essai-là sur la compensation, veut montrer qu'il y a quand même une justice qui s'exerce dans le monde de manière immanente. Il y a une forme de providence qui s'exerce dans la réalité elle-même, et pas dans un au-delà, pas dans un arrière-monde. Alors, parce que le méchant n'est finalement pas si heureux qu'il en a l'air, mais aussi parce que le bon, même quand il est en butte à l'adversité, va en tirer quelque chose de profitable. Et c'est dans ce contexte-là qu'intervient la phrase. Donc, la phrase d'Emerson vise à montrer que l'homme de bien va toujours tirer quelque chose de profitable de ses expériences, même pénibles et douloureuses. Alors que... Je précise juste avant que vous poursuiviez la comparaison, enfin la distinction avec Nietzsche, que Emerson est aussi l'auteur d'Expérience, dans lequel il raconte comment la mort de son propre fils est venue bouleverser ses certitudes. Et dans ce texte, on ne sent aucune conséquence positive au malheur qu'il vient de vivre, et c'est justement une des raisons de son scepticisme à ce moment-là. Oui, mais alors, il n'est pas aussi... toujours aussi manichéen. Non, non, mais alors, il a aussi perdu sa femme, sa jeune femme à l'âge de 20 ans à peu près. Et il a d'ailleurs, paraît-il, ouvert son cercueil, donc ça a été une grande douleur. Il ne s'agit pas de minimiser les souffrances qu'il a vécues et les épreuves intellectuelles que ça a provoquées chez lui, mais en revanche, il revendique bien une forme d'optimisme. Ce qui est très intéressant, bien sûr, au vu de son existence personnelle. Mais donc, dans ce cadre-là, il voudrait nous convaincre que l'homme de bien retombe toujours sur ses pieds, malgré tout. L'adversité va lui être profitable. Et ça s'inscrit dans un discours qui affirme que toutes choses sont morales, qu'il existe une forme de providence. Alors Nietzsche, même s'il a trouvé Emerson extrêmement intéressant, même s'il s'est beaucoup inspiré de son propos sur la confiance en soi, sur le génie, sur les grands hommes, Nietzsche ne peut pas souscrire à cet aspect-là de la pensée d'Emerson. Et dans son usage de cette phrase d'Emerson, ça se voit. C'est-à-dire qu'il la transforme, il élimine le vocabulaire moral, tout mal, c'est bien « evil » en anglais, ça. Donc la phrase d'Emerson, c'est « tout mal auquel nous ne succombons pas est pour nous un bienfaiteur ». Voilà. Et ça devient « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Voilà. Ah, donc vous voyez, deux transformations quand même très intéressantes. D'abord, le langage moral du mal disparaît. Ouais. Dans le cadre de l'hypothèse de la volonté de puissance, on n'en fait plus usage. Et d'autre part, la formule devient singulière. C'est-à-dire ça n'est plus un « nous ». C'est plus un discours qui s'adresse au commun des mortels, ou en tout cas au commun des hommes de bien. C'est un discours que Nietzsche tient en tant qu'individu. Qui parle à la première personne. Qui parle à la première personne et qui donc, bien entendu, nous explique que lui est capable de surmonter l'adversité, mais il ne prétend pas que ce serait à la portée de tout le monde. Et il y a cet aristocratisme nietzschien quand même qui est toujours affirmé. Il est affirmé dans le Crépuscule des idoles, mais aussi dans d'autres œuvres. Et donc le lien avec Emerson vient donc, il se serait inspiré de cette formule-là. Et il l'aurait réinterprété dans le cadre de sa propre pensée. Ouais, ouais, ouais. Nietzsche, c'est quelqu'un qui travaille comme ça très fréquemment. Mmh. C'est un lecteur vorace. Il consomme des bibliographies entières, pas simplement des textes philosophiques au sens traditionnel, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui lit uniquement Platon, Schopenhauer, etc. Mais aussi de l'histoire, de l'anthropologie, de la littérature. Il se documente énormément. Ça, c'est un produit de sa formation de philologue, hein, qui était habitué à brasser des bibliographies. Mais même s'il a fréquemment une source ou même plusieurs sources pour affirmer ce qu'il affirme, il essaye toujours de se réapproprier ce matériel intellectuel et puis de lui apporter des inflexions qui correspondent à sa philosophie personnelle, en particulier des inflexions axiologiques. Donc il transforme les valeurs qui sont à l'œuvre dans les affirmations en question. Et bon, donc c'est une méthode de travail, on la retrouve très très souvent sous sa plume. Et dans quelle mesure ce qu'il affirme sur peut-être ses vertus de la douleur, qui sont quand même présentes au sein de cette phrase et dans beaucoup de textes de Nietzsche, dans quelle mesure ces affirmations sont-elles compatibles avec la déclaration de guerre dont vous parliez? Parce que ça, c'est vraiment un antagonisme qu'on retrouve très fort. On trouve dans la préface au Crépuscule des idoles aussi l'importance de conserver sa belle humeur. On a d'un côté cette volonté d'une humeur bonne, d'une élégance, du style et de l'esprit, et de l'autre, ce tempérament belliqueux, cet appel à un surhomme qui doit extérioriser son agressivité pour ne pas l'enfermer, la retourner contre lui-même. Et il est difficile de voir comment les deux peuvent se tenir ensemble. Qui doit en faire quelque chose. Extérioriser, ça veut pas nécessairement dire extérioriser de manière brutale et violente. Ça peut aussi signifier qu'on spiritualise son agressivité. Et c'est justement ce que Nietzsche fait quand il manie la déclaration de guerre dans les écrits de 88. Ce qu'il appelle une déclaration de guerre, c'est par exemple écrire le cas Wagner, ou c'est écrire l'Antéchrist. Voyez, donc ça signifie une intervention axiologique dans la culture européenne pour remettre en question les valeurs reçues. Alors, évidemment, toute la question est toujours de savoir comment on répond au problème de la souffrance. Est-ce qu'on y répond par l'idéal ascétique judéo-chrétien, que Nietzsche a décrit dans la généalogie de la morale, mais qu'il a décrit pour le critiquer? Est-ce que, par exemple, vous allez considérer que la souffrance, c'est de votre faute? C'est de votre faute parce que vous avez péché? Ou est-ce que vous allez y répondre par la pitié? Pitié pour les gens qui souffrent, une forme de philanthropie chrétienne aussi, que Nietzsche critique dans l'Antéchrist. Emerson aussi, d'ailleurs. Paradoxalement, ouais. Jusqu'à un certain point, mais de manière sans doute un peu plus ambivalente que chez Nietzsche. Ou alors, est-ce que vous allez y répondre en essayant de remettre en question les valeurs qui sont en partie à l'origine de cette souffrance, ou en tout cas qui l'aggravent, qui ne sont pas une bonne réponse thérapeutique. Alors Nietzsche opte clairement pour cette autre solution. Et il considère que remettre en question les valeurs dominantes de la culture européenne, ça passe par un geste belliqueux, mais qui est celui du législateur qui brise les anciennes tables pour en proposer de nouvelles. Donc ce serait la démarche de Zarathoustra dans Ainsi parlait Zarathoustra, par exemple. Oh, voici un extrait. Pourquoi faut-il que je sois lutte et devenir et finalité et contradiction ? Hélas, quiconque devine ma volonté devine aussi combien sont tortueux les chemins qu'il lui faut prendre. J'ai beau créer et aimer ce que je crée, il me faut aussitôt devenir l'ennemi de ma créature et l'adversaire de mon amour. Ainsi le veut mon vouloir. Et toi aussi, chercheur du vrai, tu n'es qu'un des sentiers, une des pistes de mon vouloir. En vérité, ma volonté de puissance marche elle aussi dans les empreintes de ton vouloir de trouver le vrai. Certes, il n'a pas atteint la vérité, celui qui a mis en circulation cette formule « le vouloir vivre ». Ce vouloir-là n'existe pas, car ce qui n'existe pas ne peut pas vouloir exister. Et comment ce qui existe pourrait-il encore vouloir exister ? Il n'y a de volonté que dans la vie. Mais cette volonté n'est pas vouloir vivre. En vérité, elle est volonté de dominer. Voilà ce que la vie m'a enseigné naguère. C'est ce qui m'a permis, sages insignes, de résoudre par surcroît l'énigme de vos cœurs. En vérité, je vous le dis, bien et mal, notions immuables, n'ont pas d'existence. Tout travaille à se surpasser sans cesse. En vérité, je vous le dis, c'est une phrase que l'on trouve dans les textes religieux chrétiens, Manuel Salancé. Ça évoque les évangiles, oui, c'est voilà. Une parodie. Alors qui est ce Zarathoustra qui parle ainsi ? Alors qui il est historiquement, ça n'intéresse pas tellement Nietzsche, puisqu'il retourne complètement cette figure. Probablement historiquement, c'était un prophète persan qui justement était l'adepte d'un manichéisme. Donc au contraire d'une opposition entre bien et mal. Mais Nietzsche veut s'emparer complètement de cette figure pour en faire autre chose. Et ce Zarathoustra devient un personnage nietzschéen qui enseigne notamment l'hypothèse de la volonté de puissance. C'est ce qu'on entend dans ce texte. Donc il s'agit d'un des discours de Zarathoustra dans la deuxième partie d'Ainsi parlait Zarathoustra. Et l'hypothèse de la volonté de puissance est mise en scène dans ce contexte comme un secret de la vie que la vie elle-même a révélé à Zarathoustra en le lui chuchotant à l'oreille. Alors, mise en scène qui montre au passage qu'à l'époque, l'hypothèse de la volonté de puissance est une hypothèse organique. Ça porte sur le monde vivant, pas encore sur l'ensemble de la réalité. Elle sera généralisée par la suite dans Par de la bien et mal. Mais vous voyez dans ce texte que la volonté de puissance est aussi une volonté spirituelle. La volonté de vérité des philosophes, des sages illustres, etc., c'est une forme de volonté de puissance. Mmh. Et Nietzsche va essayer, grâce à cette hypothèse, d'interpréter tout à la fois les phénomènes organiques et les phénomènes intellectuels ou spirituels. Mais on retrouve cette guerre, ou ce conflit qu'on évoquait juste avant, parce qu'il dit bien « j'ai beau créer et aimer ce que je crée, il me faut aussitôt devenir l'ennemi de ma créature et l'adversaire de mon amour ». Voilà, donc ça c'est la logique de l'autodépassement qui est justement annoncée par le titre de ce discours, donc « Von der Selbstüberwindung » en allemand. Ce qu'on peut traduire différemment, Geneviève Bianchi a traduit ça par « de la victoire sur soi », mais c'est l'idée que la vie se dépasse constamment elle-même parce que la volonté de puissance, c'est une logique, c'est une dynamique qui cherche sans cesse à s'intensifier et n'y parvient pas toujours, mais en tout cas qui exclut toute stabilité définitive ou toute substance. Alors ensuite, comment est-ce qu'on fait pour interpréter l'ensemble de la réalité avec cette hypothèse ? Ben, c'est ce que Nietzsche a essayé de faire. Ça n'est pas forcément facile, il faut aussi interpréter le monde mécanique comme ça. Mais c'est la philosophie de la réalité qui va servir de cadre à Nietzsche pour réfléchir sur les valeurs. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est compatible avec une pensée d'alors j'ai bien compris que ce n'était pas la morale qui guidait les écrits de Nietzsche, au contraire, puisqu'il essaye de montrer comment les valeurs mêmes induites par la morale ne sont plus pertinentes au moment où il écrit. Mais est-ce que ça veut dire qu'il renonce à toute forme de responsabilité, par exemple ? Non, non, non. Et ça, on le voit dans la généalogie de la morale, justement dans le deuxième traité. Alors, le début, l'incipit de ce deuxième traité est très célèbre, puisque c'est le moment où Nietzsche parle de l'élevage d'un animal qui serait en droit de promettre. Hein. N'est-ce pas là la tâche paradoxale que la nature s'est fixée? Et c'est la question qu'il pose. Et donc, tout cet incipit du deuxième traité montre bien que Nietzsche a encore une notion de l'individu souverain, celui qui est capable de promettre, qui a le droit de promettre. C'est le verbe dürfen en allemand. Pourquoi est-ce qu'il a le droit de promettre? Parce qu'il a la capacité de tenir sa promesse, de la tenir effectivement contre vents et marées, malgré toutes les circonstances inattendues qui peuvent survenir entre le moment où on promet et le moment où on doit tenir. Alors ça, cette forme de sens de la responsabilité, c'est une valeur nietzschéenne. Et Nietzsche n'y renonce absolument pas. Mais en revanche, dans tout le deuxième traité de la généalogie de la morale, il essaye de montrer qu'il y a une distinction qui n'est pas assez aperçue, entre ce sens de la responsabilité, ce qu'on pourrait appeler la conscience de responsabilité, et la conscience de faute, au sens de l'allemand « Schuld ». Et Nietzsche cherche à montrer que, en fait, ces deux consciences-là ont deux provenances différentes. Elles n'ont pas la même généalogie. Et finalement, l'erreur, ou on pourrait même aller plus loin, le tort des valeurs judéo-chrétiennes, c'est de prétendre que la responsabilité ne serait possible que dans un contexte où on cultive le sens de la faute, la culpabilité et le péché. On peut être responsable sans être coupable. Voilà, exactement. C'est ce que nous dit Nietzsche. C'est très bien avant l'affaire du sang contaminé. Alors, on va sortir un instant de l'univers nietzschéen. Enfin, pas si sûr d'ailleurs qu'on en sorte, mais on va prendre un exemple parce que c'est intéressant de voir comment ce que dit Nietzsche et surtout ce qu'il exprime dans cette phrase peut s'appliquer à des situations qui nous sont peut-être plus familières que les textes de Nietzsche. Je vous propose qu'on écoute un extrait cette fois-ci du Lambeau, le roman de Philippe Lançon qui est paru l'an dernier. Philippe Lançon qui était victime des attentats de Charlie Hebdo, qui a été défiguré pendant ces attentats et qui est désormais une gueule cassée, hein, qui a eu le visage d'abord détruit et puis refait, en partie en tout cas, et qui raconte dans ce texte comment ce changement... Alors là, on n'est pas dans la maladie, on est dans la souffrance, mais surtout on est dans l'altération de l'identité, voire l'évanouissement d'une certaine identité, eh bien a pu avoir en retour un changement énorme sur la façon dont il concevait sa propre existence. On l'écoute. Marilyn et moi étions sur la photo. Nous sourions à l'appareil. Une amie nous avait pris. Mais ce jeune homme souriant et bronzé, à la fois rond et mince, ce jeune homme finalement vierge, ce n'était plus moi. Ce n'était pas davantage un autre que moi. Qui était-ce? Et qui était celui qui, dans cette chambre, le regardait avec effroi, avec pitié? Celui qui était mort me saluait. Il me souriait. Gladiateur inconscient, comme un reflet du soleil renvoyé par une vitre. Je ne pouvais lui répondre que dans une panique silencieuse et par les larmes qui, une nouvelle fois, ont un peu coulé. Je ne supportais plus, moi, que tant de souvenirs puissent avoir survécu à quelques minutes d'horreur. Car à cet instant, ces minutes faisaient ma vie et non les souvenirs qui les avaient précédés. Pour continuer, il fallait choisir, choisir malgré moi. Je n'avais plus droit au moindre sirop de nostalgie. Depuis le 7 janvier, tout avait changé. Les photos ne renvoyaient plus au grain mal trié de l'expérience. Elles renvoyaient à des souvenirs que l'attentat avait conduits comme un troupeau dans une impasse vers une falaise. Je faisais l'expérience de l'expérience interrompue. J'étais entré dans les photos et j'y avais disparu. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. C'est Denis Podalydès qui lit cet extrait du Lambeau de Philippe Lançon, qui a lu d'ailleurs l'intégralité du livre, hein, qui est disponible en version audio. Au tout début de cette émission, j'ai lu un extrait de Nietzsche qui explique que seule la grande douleur est l'ultime libératrice de l'esprit. Quand on écoute le témoignage du narrateur du Lambeau, qui décrit comment lui-même disparaît à lui-même. Il est difficile de croire qu'il y a ici une forme de libération, Emmanuel Salansky. Oui, bien sûr. Alors, ce que ce texte m'évoque chez Nietzsche, c'est plutôt le Nietzsche tragique, celui qui a écrit La naissance de la tragédie et qui reste... Donc son premier texte. C'est son tout premier livre publié et qui reste... par la suite un philosophe du tragique. Mais alors le tragique, qu'est-ce que ça signifie chez lui? Ça signifie, dès le départ en fait, dès son livre de 1872, que l'individu est voué à mourir, donc la destruction de l'individu est quelque chose d'absolument fatal, mais il est possible, pour le spectateur de tragédie, d'éprouver une joie tragique à ce sujet. Alors, c'est une interprétation de la tragédie qui est très différente de celle d'Aristote, finalement. La tragédie ne vise pas à susciter la terreur et la pitié. Elle n'est pas destinée à l'individu en tant que tel, mais elle est destinée à un individu qui affirme l'éternité de la vie par-delà les limites de son individualité. C'est une joie tragique qui est éprouvée par l'individu se dépossédant de lui-même et affirmant quelque chose qui va au-delà de lui, qui est la pérennité de la vie. Alors, je pense que là, on toucherait une des limites de l'individualisme nietzschéen. Jusqu'à présent, on a plutôt interprété la phrase « tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort » dans le contexte de l'individualisme nietzschéen, qui est réel, hein, bien sûr, et qui s'associe à son aristocratisme. Ça fonctionne de pair toujours. Mais d'un autre côté, Nietzsche est aussi un penseur qui change d'échelle temporelle et qui réfléchit sur l'avenir de la vie au-delà de l'individualité elle-même, au-delà de, oui, du destin de l'individu. Et à cette échelle-là, Nietzsche est un penseur tragique, c'est aussi un penseur de l'éternel retour. Donc ça n'est pas du tout quelqu'un qui nous promet une eschatologie, qui nous promet un bonheur futur. Ou... L'individu, de toute façon, est voué à périr, et de toute façon, le sablier du temps est voué à être renversé sans cesse, mais... Et il nous demande de rester de bonne humeur, en plus. Il nous demande de rester de belle humeur. De belle humeur. Parce que il faut pouvoir vouloir encore une fois, et encore une infinité de fois, ce qu'on veut actuellement. Ça, c'est l'éternel retour. Ça, c'est l'éternel retour comme perspective sur sa propre existence et comme défi existentiel. Mais est-ce qu'on pourrait aller, je pourrais rester un instant sur le texte de Philippe Lançon, jusqu'à dire, à la suite de Nietzsche, que changer d'identité, que la blessure d'une identité au moins physique, physiologique, puisqu'il s'agit d'un visage ici, mais qui dans le livre, enfin, on voit bien qu'il ne s'agit pas que du visage, hein, c'est vraiment une identité plus, même au sens spirituel, psychologique du terme, qui vacille, pourrait être vécue comme une forme aussi de libération, puisqu'elle libère aussi d'une forme d'individu. Oui, alors je pense que de ce point de vue-là, la libération qui serait pleinement nietzschéenne, ce serait celle qui consisterait à mettre en doute la notion même d'identité. Le moi est une fiction, selon Nietzsche, et finalement c'est une fiction en grande partie grammaticale, mais qui nous paraît avoir une réalité psychologique quand nous sommes une société relativement unie et relativement stabilisée. Mais nous sommes toujours une société, et nous sommes toujours une société plongée dans le devenir. Donc cette supposée identité, elle n'existe pas à proprement parler, et il n'y a qu'un flux. Un flux qui se configure, qui se cristallise, qui se stabilise momentanément. Mais de toute façon, le devenir est en nous. Et nous sommes nous-mêmes le produit d'un devenir. Alors, des expériences aussi terribles que celles de Philippe Lançon, peut-être, nous confrontent durement à cette réalité nietzschéenne, mais Nietzsche n'aurait pas forcément été surpris par la chose, et il aurait vu peut-être plutôt une confirmation de sa perspective. Arriver à voir que changer de visage peut signifier aussi changer de vie, sans qu'il y ait un jugement porté sur la nouvelle vie ou la vie d'avant, en fait. Hein. C'est absolument moralement neutre comme jugement qu'on pourrait porter sur cette réalité. Dans quelle mesure aussi cette phrase « ce qui ne me tue pas me rend plus fort » est aussi l'expression d'une expression nietzschéenne, qui est la grande santé. Alors, la là grande encore, santé... autre expression, je pense, source de beaucoup de malentendus. Oui, alors la grande santé, c'est une notion que Nietzsche met en avant, en particulier dans le Gai Savoir, et plus spécifiquement dans le paragraphe 382. Alors, on est dans le cinquième livre du Gai Savoir, c'est un ajout ultérieur par rapport à la première édition de 1882. On est en 1887. Et alors, dans ce paragraphe-là, Nietzsche, en fait, affirme très explicitement quelque chose, mais que souvent on laisse de côté dans la littérature secondaire, c'est que cette grande santé, c'est un instrument. C'est pas un objectif, c'est pas une fin en soi, la grande santé. Cette grande santé, donc, c'est une santé que l'on ne se contente pas d'avoir, mais que l'on perd sans cesse aussi, parce que on va devoir la reconquérir. Mais pourquoi est-ce qu'il faut sans cesse perdre sa santé et la reconquérir chez Nietzsche? La grande santé, c'est la santé, juste pour la définir. C'est pas simplement la santé corporelle, c'est une santé du corps-esprit, mais une santé du corps-esprit qui doit sans cesse être perdue et être reconquise. Mais pourquoi? Mais justement parce que c'est un instrument du perspectivisme de Nietzsche. Perspectivisme qui implique en particulier que on doit expérimenter tout le spectre des valeurs qui ont existé jusqu'à présent pour pouvoir ensuite hiérarchiser les valeurs et proposer une nouvelle axiologie. Donc ça, c'est le projet que Nietzsche se donne, résoudre le problème de la valeur, comme il dit dans la généalogie de la morale. Ça signifie qu'il faut s'exposer même à des valeurs qui sont morbides. Il faut les avoir vécues, il faut traverser la maladie, mais il faut traverser tous les systèmes de valeurs qui ont existé jusqu'à présent, autant que possible. Et ça signifie que le philosophe risque sa santé. Le philosophe va s'exposer à des modes de vie, des axiologies qui sont problématiques pour lui, mais il devra reconquérir perpétuellement la santé qu'il risque comme ça. Et tout ça, c'est un instrument d'une démarche de transvaluation des valeurs que Nietzsche veut mettre en œuvre. Donc, je pense que le contresens classique sur la grande santé, ça consiste à penser que c'est une fin en soi. C'est l'objectif de Nietzsche. Nietzsche veut bénéficier de cette grande santé. Non, la grande santé, justement, c'est un instrument au service d'un projet beaucoup plus vaste, qui est culturel. Mais en ce sens, ce qui ne me tue pas me rend plus fort est aussi l'expression de cette grande santé. Ce qui me met en péril, finalement, va me renforcer. Absolument. Il y a une vraie consonance entre la grande santé ainsi comprise et la maxime du crépuscule des idoles. Mais vous voyez bien qu'il y a consonance à condition de bien comprendre que ça ne s'adresse pas au commun des mortels. C'est-à-dire que on ne peut pas dire de manière générale chez Nietzsche que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Non, il y a aussi le décadent qui peut tout à fait être affaibli ou être écrasé par l'adversité. Mais si on réussit à être un philosophe expérimentateur sur les valeurs, alors on va pouvoir s'appliquer cette maxime du crépuscule des idoles. Donc la condition, c'est d'être philosophe. Pas forcément philosophe, parce qu'il y a toutes sortes de formes d'expérimentation chez Nietzsche. Mais en tout cas, la condition, c'est d'être fort au sens nietzschéen, c'est d'être un individu supérieur, dirait Nietzsche. Ce qui est aussi de très compliqué à saisir dans ce qu'il... Enfin, de compliqué, de contre-intuitif à saisir dans ce que Nietzsche énonce et que vous nous expliquez aujourd'hui, c'est la possibilité pour un corps malade de continuer à conquérir cette grande santé, de dépasser la douleur pour en faire quelque chose. Tout le monde sait qu'un corps qui souffre est un corps qui pense mal, qu'il est extrêmement difficile de convertir ou même de réfléchir à partir d'une grande douleur qui nous transperce l'âme et le corps en même temps. Oui, mais on peut être écrasé par une souffrance corporelle, certainement. Et là encore, Nietzsche ne professe pas un providentialisme. Il ne s'agit pas de dire que personne ne va souffrir, personne ne va mourir. Pas du tout. Mais en revanche, vous l'avez dit vous-même en citant un beau texte de Nietzsche, la souffrance peut être une libératrice. C'est-à-dire que si vous souffrez, y compris corporellement, peut-être vous allez devenir plus méfiant, peut-être vous allez devenir soupçonneux vis-à-vis d'un certain nombre de discours lénifiants qui voudraient endormir votre vigilance de philosophe. Et vous allez mieux voir, dit Nietzsche. Il a un texte génial, oui. Il dit « la plupart des gens voient très mal ». Il remarque très rarement les choses qui les touchent au plus près. C'est pourtant qu'on y réfléchisse de ce défaut que découlent presque toutes les infirmités physiques et morales des individus, ne pas savoir ce qui nous est bénéfique ou nuisible dans l'organisation de notre existence, la division des journées, le moment et le choix de nos fréquentations, le travail, le loisir, le commandement et l'obéissance, etc., la nourriture, le sommeil, la réflexion, être ignorant dans les petites choses de tous les jours, n'avoir pas de bons yeux, c'est là ce qui fait de la terre pour tant d'hommes une prairie du malheur. Donc ça, c'est toute la diététique nietzschéenne, n'est-ce pas, dans Ecce Homo, à un autre aspect de son auto-présentation consiste à dire « moi, j'attache une importance cruciale aux questions diététiques », contrairement à, ouais, à toute cette tradition métaphysique qui nous a enseigné à les mépriser. Mais ceux qui vont bien voient mal. C'est quand même ça qui est génial, en fait. Il faut avoir souffert pour bien voir, et donc pour peut-être être philosophe. Ouais, il faut une forme d'inquiétude. Il faut pas être dans un confort intellectuel, dans un repos avachi. Mm. Et Nietzsche n'est pas du tout un chantre du laisser-aller. C'est quelqu'un qui nous enseigne plutôt à nous remettre en question, à nous dépasser nous-mêmes. Et il y a donc une vertu de la souffrance aussi dans ce cadre-là. Une toute dernière question, Emmanuel Salansky. Dans quelle mesure la position nietzschéenne est-elle compatible avec ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience à la suite de Boris Cyrulnik ? Alors, je pense que j'ai déjà suggéré un petit peu ce qui pourrait être incompatible. C'est-à-dire que, si je comprends bien Cyrulnik, un aspect de son discours consiste à dire que la résilience, c'est un phénomène beaucoup plus ordinaire qu'on ne le croit. C'est-à-dire qu'il est finalement assez commun, même s'il n'est pas universel pour autant. Ni systématique. Ni systématique, voilà. Et donc, il y a quand même ce petit côté démocratique à l'arrière-plan que Nietzsche certainement chercherait à déceler, parce que vous savez que dans la généalogie de la morale, Nietzsche soutient qu'il y a une idéologie démocratique qui pénètre jusque dans les sciences du vivant, apparemment les plus objectives, etc. Alors là, je pense que Nietzsche chercherait plutôt à réaffirmer son aristocratisme, mais pour autant, je pense que pour ce qui est de l'individu nietzschéen, de l'individu fort ou supérieur, dirait-il, oui, la souffrance peut être interprétée, oui, elle peut être surmontée. Probablement, la métaphore de la résilience ne serait pas la métaphore nietzschéenne, c'est-à-dire cette idée d'un choc auquel on résiste ou qu'on absorbe. Hein, ça vient de la physique, en fait, le concept de résilience. Mais il y aurait d'autres métaphores plus nietzschéennes, et peut-être la cicatrisation, ou peut-être l'aiguillon, des choses comme ça. Merci beaucoup, Emmanuel Salansky, d'être venu nous parler de Nietzsche ce matin. On se quitte avec un mix concocté par Nicolas Berger de toutes les chansons où l'on retrouve l'expression nietzschéenne « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». C'est cadeau. À l'école de guerre de la vie, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ce qui ne me tue pas me rend fort. That which does not kill me can only make me stronger. Ce qui ne tue pas te rend plus fort. What doesn't kill me make me stronger. Ce qui ne tue pas rend plus fort. That don't kill me can only make me stronger. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Yeah. What doesn't kill me make me stronger. Ce qui ne tue pas rend plus fort. On dit carpe. Je t'ai déjà dit que tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Ce qui tue pas nous rend plus fort. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous nous parlez ce matin de collectif. Le 16 janvier dernier, le philosophe Jacques Rancière a fait une déclaration devant les cheminots grévistes de la gare de Vaugirard. En quelques paragraphes, il formule son soutien total à cette lutte qu'il qualifie d'exemplaire, mettant l'accent sur la dimension collective qui s'y joue, engagement de la communauté, défense d'un monde commun, collectivité de travailleurs, solidarité comme principe premier et les chemins de fer comme propriété de tous. Collectif, le mot ne m'avait jamais interpellé jusqu'ici. Il me semblait évident. Et pourtant, à force de l'entendre, l'occasion est peut-être venue de l'interroger. Moi, ce que je retiens, c'est que face à des politiques, notamment au gouvernement, qui nous disaient « Vous pouvez faire ce que vous voulez, mobilisation, ça ne sert plus à rien, manifester, ça ne sert plus à rien », c'est que premièrement, les gens ont retrouvé le goût du collectif et d'agir ensemble. Et C'est la démonstration que quand on se mobilise, on n'est pas toujours sûr de gagner, mais on a des chances de gagner. En cette période de grève, le terme « collectif » s'est imposé dans nos conversations. On parle de mouvement collectif, d'appel collectif, d'action collective et on attend des réponses collectives. Je ne sais pas si, comme le dit Philippe Martinez, on a retrouvé le goût du collectif, mais il est certain que le collectif est bien au goût du jour. Mais que faut-il entendre par là? Qui est en jeu dans ce collectif? Qui y prend part? Qui le constitue? En général, quand on pose ces questions, on a droit à des réponses du type « Le collectif, c'est quand on est tous ensemble, c'est quand on est avec les autres, quand on n'est pas dans son coin en fait. » Mais peut-on se satisfaire de ce genre de réponse tautologique où l'on répond à coups de synonymes? Qui est ce « on » ? Qu'est-ce que ça veut dire être ensemble ? Qui sont ces autres ? Ce qui me frappe au fond avec ce terme de collectif, c'est qu'il séduit tout le monde, sauf peut-être les plus solitaires d'entre nous, mais qu'il est rarement défini pour lui-même. C'est d'ailleurs sûrement pour ça aussi qu'il séduit tout le monde. Chacun peut s'y retrouver, évoquant tour à tour le collectif d'artistes, la collectivité territoriale ou les sports collectifs, les sports co, comme on dit. Terme souple, je dirais même qu'il a quelque chose un peu de l'informe. Plus serré quand même que le terme de masse, il n'a pourtant pas la vigueur du groupe, ni la structure de la communauté. Qu'est-ce qui peut bien alors réunir tous ceux qui se retrouvent en lui? Je vois un risque du débat, je l'évoquais tout à l'heure rapidement, c'est l'individualisme. C'est de dire la réponse au débat, ça doit être 66 millions de réponses. Et ne bougez pas, j'ai mon chéquier dans la poche et je vais vous faire une réponse à chacun, ce sera bien. Et vous trouverez toujours des gens qui diront « Moi, on n'a pas répondu à mon sujet dans le grand débat. » Peut-être. Parce qu'à chaque instant, il ne faut jamais oublier que la réponse que l'État peut apporter, que les élus, que toutes celles et ceux qui constituent l'action publique peuvent apporter, c'est une réponse qui correspond à un projet national et à un sens du collectif, à une capacité de nous engager. Un des meilleurs moyens pour définir le collectif est encore de passer par son contraire, l'individuel ou pire, l'individualisme. Une chose est sûre, l'individuel ne sonne pas pareil à nos oreilles. Quand le collectif évoque l'ouverture, l'empathie, la relation, l'individuel, lui, nous enferme dans la solitude, le repli, l'égoïsme. En lisant le dictionnaire de philosophie politique, il est fou de constater que le collectif n'y a même pas son entrée quand individu et individualisme sont développés sur 3 pages. Mais là encore, est-ce suffisant? Peut-on se satisfaire d'une réponse qui passe par un antonyme? D'une réponse large, vague, lâche mais rassurante parce qu'elle serait le remède à l'affreux individualisme? Il faut en effet se le demander, le collectif est-il seulement le contraire de la solitude? Le rassemblement ponctuel d'individus qui d'habitude sont séparés? Où est-il plus que ça? Plus qu'une somme d'individus atomisés, une nouvelle entité qui dépasse ses individualités, peut-être même vouée à durer. Mais sur quoi alors? Et avec quoi? En faisant quoi? Comment donc le collectif est-il voué à perdurer? Dès mon arrivée aux grandes galeries, j'ai tout de suite compris qu'un grand magasin n'est pas seulement un lieu de vente où l'on trouve de tout. C'est également, et même totalement, une entreprise qui rassemble une grande diversité d'individus. Aujourd'hui, les hommes et les femmes doivent s'associer. L'esprit d'entreprise doit les aider à s'élever toujours plus haut. Ensemble, la main dans la main, ils vont aller jusqu'au bout d'eux-mêmes et relever les challenges de l'avenir d'aujourd'hui. C'est un devoir d'être heureux. Et demain, aux grandes galeries, nous connaîtrons l'osmose. Qu'est-ce que le collectif? Comment peut-il atteindre l'osmose? La question me semble importante car à ne pas définir le collectif, à ne pas en donner la consistance, on prend en fait le risque de donner à tous l'envie d'en faire partie, mais l'autre risque en retour que personne ne s'y reconnaisse et qu'au fond, il s'étiole. C'est le problème du collectif. Englobant, total, il est aussi lâche et vague. Il attire mais ne retient personne. Je ne dis pas qu'il s'agit d'élaborer en quelques minutes un nouveau contrat social à la manière de Rousseau, ni de décider de règles politiques en quelques lignes, c'est toute l'œuvre de la philosophie politique, mais de se demander ce qu'on entend par collectif et ce qu'on en attend, parce qu'il est justement une des dimensions de nos réformes actuelles. Alors, de quel collectif voulons-nous? Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda, en compagnie de Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette semaine, Jean Frédérix qui est à la prise de son aujourd'hui, Vincent Schmitt à la lecture des textes nietzschéens, On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur les malentendus nietzschéens. Demain, nous serons en compagnie de Céline Denat et on examinera la formule suivante, formule tellement galvaudée, « Deviens ce que tu es ». Et vous verrez, c'est pas si facile et puis surtout, ça ne veut pas dire ce qu'on croit. Ça, ce sera demain à 10h. Donc d'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, avec qui vous voulez, pour une durée illimitée. L'équipe des Chemins vous attend également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, où Jean-Frédéric sera ravi de vous répondre. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.